Courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Joséphine Baker, les genoux légèrement fléchis. J'ai suivi ces rythmes endiablés. Adada, hunda, hunda, hunda, hum. Anyway, anywhere. I love you, loving you. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Ce matin-là, il y a dans l'air de l'audace. Les persiennes laissent entrer l'envie qui m'enlace. L'horizon pose le décor, ses appels s'invitent en renfort. Je devine que tout se joue dehors. Rien dans mes poches qui n'alourdit ma démarche. Je claque la porte, laissant derrière mes attaches. Comme si le bonheur était joueur, qu'il me poussait au loin ailleurs, à changer de route et d'humeur, juste pour quelques heures. En flânant, on a le sourire d'un enfant, ce petit regard insouciant que l'on trimballe avec le vent. En flânant, on ralentit tous nos battements, on s'imagine bouffer le temps, et tant pis si ce n'est qu'un instant. J'ai le début, mais pas la suite de la question. D'instinct, je veux prendre la fuite sans raison. Où ça, pourquoi, qu'est-ce qu'on s'en fout, pourvu d'aller un peu partout, sans carte, sans peine et sans remords, juste s'éloigner du bord. En flânant, on a le sourire d'un enfant, ce petit regard insouciant que l'on trimballe avec le vent. On s'imagine bluffer le temps, et tant pis si ce n'est qu'un instant. En planant, sur ces grands chemins en bazar, j'ai croisé le fruit du hasard, gorgé d'évasion et d'espoir. Et je rêve d'ailleurs, d'imprévu, de cavale et de couleur. Partir pour oublier ses peurs, en éclaireur, la tête ailleurs. En flânant, c'était Fabrice Soler dans cette émission spéciale flashback des fêtes de fin d'année. Pour vous les souhaiter excellentes, arrive Héloïse avec Robe Noire, Gilles et Jason Rousse avec Sur la Lune et Jack Mellerson, notre valse d'amour. La musique se transforme en cadeau. Oh, oh, oh, oh. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Tous tes mots d'amour s'éveillent et me font la cour. Au milieu d'un rêve, des roses partout autour. Tes mots saignent à croire que tu es presque sourd. Écoute-moi pleurer des sauts de larmes jour après jour. Si je perds mon sourire, qu'en sera-t-il de ton désir? C'est moi à nous unir, dis-moi, mais qu'en restera-t-il? Savoir, oui, dis-moi pourquoi. tout ce qu'il me reste ici. Des millions d'étoiles éclatent sur le ciel de ma vie. Un accro de lumière qui dans l'ombre s'enfuit. Un amas d'idées noires me raccroche à la nuit. Et si tu ne reviens pas, l'amour reviendra-t-il à moi? Tes bras. Mais quoi? Je n'entends pas. Dis-moi. Mais quoi? Est-ce ta voix? Non. Dis-moi pourquoi. I'd find a way to love that you could find a way back home. S'aimes-tu? Fais sa toiture, ne regardez pas vos chaussures. Ayez plutôt le nez là-haut, tout près de Saturne et son gros anneau. Elle brille de mille feux, d'un côté jamais les deux. Mais qu'y a-t-il donc sur la lune pour lui donner une si fière allure? Nous on s'éclaire en bas de phare et de lampion. Elle doit rire dans le fond. Nous on a peur du noir, courage mais fuyons. Pas vraiment de beaux Apollons. Il y a du monde sur la lune, c'est éclairé la nuit. Il y a du monde sur la lune, c'est éclairé la nuit. Il y a même un chanteur un peu fou qui m'a dit qu'elle a rendez-vous avec le soleil qui l'attend tous les matins. Il lui porte un croissant, paraît qu'il en est amoureux. Mais que la lune s'en fiche un peu. On nous fait croire que c'est la pluie, mais c'est le soleil qui pleure la nuit. Ils envoient sur son dos des hommes et des fusées. Ça doit un peu la chatouiller. Ils ont planté leur drapeau, mais savent-ils où est semé leur grand pas pour l'humanité? Il y a du monde sur la lune, c'est éclairé la nuit. Il y a du monde sur la lune, c'est éclairé la nuit. On m'a souvent surpris, c'est vrai, à rêvasser dans ses filets. Allons Gilou, réveille-toi, tu es dans la lune, tu crois qu'on le voit pas. Nous quand on a un cratère, c'est un canon qui est en colère. Échangerai bien sans rancune mon grand boulevard pour un quartier de lune. La tête dans les étoiles, léger comme une plume. Regardez la terre qui s'enfume. Demain, larguons les voiles, laissons notre fortune et allons décrocher la lune. Il y a du monde sur la lune, c'est éclairé la nuit. Il y a du monde sur la lune, c'est éclairé la nuit. Il y a du monde sur la lune, c'est éclairé la nuit. Il y a du monde sur la lune, c'est éclairé la nuit. Il y a du monde sur la lune, c'est éclairé la nuit. Sur la lune, c'est éclairé la nuit. Il y a du monde sur la lune, c'est éclairé la nuit. Il y a du monde sur la lune, c'est éclairé la nuit. Et en avant pour la musique et bonne fête à tous. Depuis longtemps déjà, tu es l'amour de ma vie, tu es la plus jolie. Quand je te serre dans mes bras, je suis si heureux. Mon cœur n'appartient qu'à toi et je suis amoureux. C'est notre valse d'amour que nous dansons tous les deux. Nous la dansons toujours, les yeux dans les yeux. Dans mes bras, je veux te parler d'amour. En dansant avec toi, notre valse d'amour. Dans mes bras, je veux te parler d'amour. Vous écoutez La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Voici un cadeau de La Courte Échelle sous forme de flashback pour les fêtes de fin d'année. Tous ces artistes, vous les avez entendus lors des deux précédentes saisons de l'émission. Chaque semaine, vous savez que La Courte Échelle, c'est le rendez-vous des nouveautés des artistes indépendants de la scène internationale dans tous les styles musicaux. À suivre, Gis avec les Gardes du Cœur, Marion Guérin avec le Talisman et Rudy Ken, Love is Right on Time. Est-ce humain, est-ce inné, pouvoir regarder les yeux fermés, sans jamais une larme versée, sans trop de questions se poser, comme un instinct de trader qui nous fait zapper les chaînes des opprimés, baisser le son des révoltés, le JT c'est mieux pour tout avaler. Tam tam tam, soyons les gardes du cœur. Tam tam tam, du cœur qui nous unit. Tam tam tam, des oiseaux de bonheur, des cœurs qui se battent à l'infini. Ça t'étonne, on dirait, c'est pourtant si vrai. Âme sensible, toujours se cacher. Un syndrome de Stockholm, on a inventé. On finit par aimer qui du mal nous fait. Tam tam tam, soyons les gardes du cœur. Tam tam tam, du cœur qui nous unit. Tam tam tam, des oiseaux de bonheur, des cœurs qui se battent à l'infini. Tam tam tam, soyons les gardes du cœur. Tam tam tam, du cœur qui nous unit. Tam tam tam, des oiseaux de bonheur, des cœurs qui se battent à l'infini. Des cœurs qui se battent. Tam tam tam, soyons les gardes du cœur. Tam tam tam, du cœur qui nous unit. Tam tam tam, des oiseaux de bonheur, des cœurs qui se battent à l'infini. Tam tam tam, soyons les gardes du cœur. Tam tam tam, du cœur qui nous unit. Tam tam tam, des oiseaux de bonheur, des cœurs qui se battent. Votre instant d'évasion. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Je suis soumis, devenu esclave de La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes Toute indépendants. Toute l'équipe vous souhaite de joyeuses fêtes. Avec deux chanteurs, à savoir Stéphane Noria, c'est mon évidence, et Jean-Jacques Kira, vous n'allez pas me croire, que nous allons terminer cette émission spéciale pour les fêtes de Noël. Et de fin d'année, bien sûr. C'était il y a peu de temps, juste au hasard d'un rendez-vous, on s'est regardé simplement. La foule s'est abattue sur nous. Jour après jour, on s'est rapprochés. On s'est mis à nu pour s'aimer. Cet amour naissant nous a donné des ailes arc-en-ciel pour s'apprivoiser. Mon évidence. Partager avec toi ma confiance, mon alliance. Toujours donner le meilleur de moi. Se faire confiance. Être fort face à l'adversité. Être dans la patience. Pour être encore plus désiré. On s'est juré fidélité. Tatouage éternité, sur ma peau je vais le graver. l'infini désir. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Et en avant pour la musique, et bonne fête à tous! Je me souviens, après la guerre, peut-être que je confonds les dates. J'étais l'ami de Jacques Prévert, on se ramassait à quatre pattes. À la terrasse des deux magots, il m'a présenté une brune qui s'appelait Juliette Gréco, elle voulait me donner la lune. Vous allez croire que j'exagère, mais à l'époque, Boris et moi, on partait chaque soir en galère, de la nuit on était les rois. De la rose rouge jusqu'au tabou, on a mis Saint-Germain en fête. Et ceci dit, bien entre nous, lui-même a pris la trompette. Vous n'avez pas l'air de me croire, encore un vieux radoteux qui compte son histoire. Vous n'allez pas l'air de me croire, allez barman, serre-nous à boire. Je me souviens des soirs à Memphis, une guitare dans chaque main. On rigolait avec Elvis et une bande de vieux copains. Il y avait Jerry, Buddy Holly et la blonde qui me tenait la main. C'était Marlene, et bien oui, James Dean se saoulait dans un coin. Vous n'allez pas l'air de me croire, encore un vieux raleteux qui compte son histoire. Vous n'avez pas l'air de me croire, allez barman, serre-nous à boire. Vous allez tous rester surpris, mais le fameux chanteur Gainsbourg, il l'a dégueulé dans mon lit en 69, un soir de bourre. Il en a bavé pour bébé qu'il avait laissé planter là. Le pauvre, il s'est jamais douté qu'elle était partie avec moi. Vous n'avez pas l'air de me croire, encore un vieux raloteux qui compte son histoire. Vous n'avez pas l'air de me croire, allez barman, serre-moi boire. Je voudrais surtout pas me vanter, mais on m'a présenté à Londres. Yesterday. Un soir que j'avais trop fumé, les Beatles et les Rolling Stones. Help. J'avais écrit sur un papier un mot inspiré de ma plume. Mais Mick Jagger m'a labiqué, I can't get no satisfaction. Vous n'avez pas l'air de me croire, encore un vieux raloteux qui compte son histoire. Vous n'avez pas l'air de me croire, allez barman, serre-moi boire. Voilà, c'est tout pour cette émission spéciale en forme de cadeau flashback de la Courte Échelle. J'espère que vous avez passé un bon moment, on se retrouve très bientôt et surtout bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. À bientôt, soyez heureux, surtout en cette période. Je donne un coup de téléphone. Et Cernoche, Farceneguerre, qui arrive ici en personne. Vous avez pas l'air de me croire, encore un vieux radoteux qui compte son histoire. Vous n'avez pas l'air de me croire, allez barman, serre-moi boire.